Bien entendu, à chaque fin d'année, les cabinets d'analyse interrogent leur boule de cristal pour prédire l'avenir du secteur informatique, pour voir un peu ce qui s'en vient. J'en ai retenu deux qui sont toujours bien intéressants. En fait, d'un côté, Gartner, qui se concentre sur les technologies clés de l'année à venir, et de l'autre côté, Forrester, qui, eux, interrogent à peu près 200 professionnels d'informatique. Question de voir un peu les tendances qui se profilent pour 2012 et au-delà. Et j'en ai ressorti une dizaine d'éléments à surveiller pour l'année prochaine, et notamment, en fait, le premier, qui est un peu incontournable, c'est la question des tablettes. Alors, ces nouveaux dispositifs informatiques qui arrivent et qui envahissent tranquillement aussi l'entreprise. En fait, de plus en plus, il y a une approche qui est un peu le « bring your own device », apporte ton mobile de toi-même. Et donc, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de demandes aussi par des employés à l'université, on peut imaginer aussi par des étudiants, donc de développer la connectivité pour une multitude d'appareils. La difficulté, c'est que les différents cabinets ne perçoivent pas qu'il va y avoir une réduction du nombre de modèles. Au contraire, donc on va rester à 2 à 4 compétiteurs très rapprochés. Donc, ce qui fait que d'un côté, les institutions, les organismes, les entreprises vont devoir développer leur système pour être compatible avec plusieurs modèles. Et de l'autre, il y a les salariés aussi qui éventuellement vont avoir plusieurs modèles à eux aussi. Donc, certains pour le travail, pour la vie personnelle et le reste. Ça, le divertissement et l'entreprise qui reste deux mondes, 2 à 4, c'est vraiment l'entreprise parce qu'on sait déjà que, bon, même cette semaine, il y en avait une autre, là, c'était la Kindle Fire d'Amazon qui sortait. Donc, dans le divertissement, il y en a énormément, mais dans l'entreprise, donc 2 à 4, c'est ce qu'on dit. Oui, exactement. En fait, ce qu'on dit, c'est que d'ici 2015, là, chaque employé va avoir 2 à 4 terminaux connectés. Alors, si jamais on a un portable et un ordinateur déjà de connectés, ça en fait 2. Avec le téléphone intelligent, ça en fait 3. Donc, on s'en rapproche quand même pas mal. Et parallèlement, l'invasion des téléphones mobiles va aussi amener à changer ce qu'on juge acceptable comme interface utilisateur, dans la mesure où pour le mobile, c'est des écrans tactiles, c'est très axé sur le toucher, le geste, la voix, la vidéo. Et donc, ce qui veut dire que pour les autres appareils de type informatique, ben, on devra aussi prendre ce chemin-là, prendre cette voie-là pour justement pouvoir répondre à la demande des utilisateurs. Alors, ça serait intéressant de voir de quelle manière ça va s'exprimer. Il y a déjà des éléments qui sont développés, qui existent au niveau, par exemple, du paiement bancaire par voie de reste. Donc, ça sera probablement l'une des voies à suivre. Et dans ce contexte-là aussi, il y a la question du code, parce que je disais tout à l'heure, il y aura plusieurs variétés de tablettes qui existeront, plusieurs variétés de mobiles aussi. Mm-hmm. Et donc, de quelle manière on va réussir à limiter le travail au niveau de la conversion des codes d'un système à l'autre? Et Gartner et Forrester semblent dire que, pour l'instant, le code unificateur pourrait être le HTML5. Pour l'instant, il est déjà disponible sur plusieurs types de formats, tablettes électroniques, smartphones, portables, PC. Par contre, pour l'instant, il n'est pas encore sur les terminaux iOS et Android, mais ça pourrait venir. Alors, ce serait, selon eux, le HTML5 qui sera surveillé là, comme code unificateur pour les différentes plateformes. Mais tu l'as mentionné, les systèmes d'exploitation éventuellement aussi, ça va devenir important parce que là, on regarde et Apple le fait très bien, là, disons un peu là, la lignée un peu de la synergie. Tu as parlé de la synergie un peu des différents appareils mobiles. Donc, en gros, ce qu'on essaie de faire présentement, c'est de tout envoyer dans le même canal finalement pour qu'après ça, tout se connecte. Mais à un certain moment, c'est le système d'exploitation qui va permettre à une entreprise, disons, de se positionner sur un marché, parce que si on est tous pareils et que tout est compatible, on n'y arrivera pas. Donc, éventuellement, il y a des gens qui vont essayer de se battre, peut-être, pour ne pas que ce soit exactement tous la même chose. Je spécule, mais je ne sais pas si c'est mentionné quelque part. Ou... Mais nécessairement, comme on le disait, il va en avoir encore 2 ou 4 systèmes d'exploitation différents parce que, comme tu le dis, en fait, chacun répondant à des besoins plus précis, même si on va essayer d'emprunter aux uns et aux autres, est-ce qu'il va y avoir une variété qui va demeurer? Et ce qu'on risque de voir plutôt s'ajouter, David, c'est des objets autour de l'Internet. En fait, l'Internet des objets qui devrait atteindre dans les prochaines années une masse critique. Donc, qu'est-ce que c'est l'Internet des objets? Par exemple, si on a des capteurs de mouvement, des capteurs de localisation, des capteurs d'orientation, des outils de reconnaissance d'image, pour le dépôt de chèques par mobile, par exemple. Donc, des technologies sans contact aussi. Donc, tout ce qui viendrait autour de l'ordinateur pour bonifier l'interface ordinateur-usager. Donc, ça risque également de se développer et peut-être aussi de balancer, de contrebalancer un peu le développement des appareils eux-mêmes. Un peu, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que un peu à la manière de ce qu'on ajoute présentement sur les jeux vidéo, là, je fais un parallèle avec le jeu vidéo, par exemple, on va ajouter un détecteur de mouvement, comme tu dis, pour pouvoir éventuellement ajouter des fonctionnalités aux ordinateurs personnels. C'est un peu ce dont on parle. Okay. Et puis, sinon, l'autre firme, c'était Forrester, qui, disons, pour la prochaine année, en même temps, ce qu'on voit aussi, et de ce qu'on peut peut-être penser, c'est que, je sais pas si la notion de démocratisation de l'Internet a été un petit peu mentionnée, disons, l'Internet 2.0, qui, je sais pas si ça a été mentionné, parce que il y avait un congrès en ce moment là, qui se déroulait du côté des États-Unis, qui discutait justement qu'on allait se poser la question sur comment exactement on allait réussir à garder les contenus libres à tous. Et je sais pas si c'est quelque chose qui est mentionné, mais dans les TI, c'est quand même quelque chose qui est actuellement discuté. Je sais pas si ça figure quelque part. En fait, je pourrais faire peut-être deux ponts avec ça. Dans un premier temps, c'est les systèmes d'applications qui vont être renforcés selon Gartner, selon Forrester, dans la mesure où le système App Store donc va prendre l'ampleur. Donc, que ce soit par Apple, par Google ou par d'autres, ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'on dit, c'est que d'ici 2014, il risque de se télécharger par année 70 milliards d'applications. Et de plus en plus aussi, les éditeurs de type mobile vont se rendre aussi sur ce type d'application-là. Et même si on pousse un peu plus loin, c'est Forrester qui rappelle que dans une dizaine d'années, là, il y a 50% de la population active composée d'enfants du millénaire qui vont avoir grandi avec leur mobile, qui vont avoir grandi également avec presque uniquement ce type d'outil de téléchargement-là. Alors, ça veut dire aussi que probablement dans les prochaines années, ce modèle-là d'affaires et de téléchargement risque de se généraliser. On voyait l'année dernière, déjà dans un rapport du même type, là, que justement, en 2020, d'ici 2020, c'est le marché des applications qui allait prendre le dessus. Et comme tu le mentionnes, c'est carrément ce qui est en train de se produire. Et parallèlement, il y a l'usager qui définit de plus en plus la manière de faire dans l'organisation. Je disais tout à l'heure, on va avoir 2 à 4 appareils mobiles, tablettes et autres. Eh bien, ça chamboule un peu la donne parce que c'est pas une réalité qui, au départ, était venue de l'entreprise. C'est les usagers qui sont arrivés avec leur appareil qui ont dit, j'aimerais ça, pouvoir utiliser cet appareil-là dans le contexte de mon entreprise. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y aura un poids de plus en plus croissant de la consumérisation, entre guillemets, qui va chambouler peut-être les pratiques d'entreprise et qui va forcer aussi les entreprises à rester à la page de leurs employés. Finalement, c'est l'utilisateur, comme tu dis, qui définit le contenu. Mais à un certain moment, même, ça va encore plus loin que ça. Si on regarde tout ce qui est hacking en ce moment, on pousse les machines au maximum et on trouve des nouvelles fonctions. Ça aussi, ça va être une note importante parce que finalement, l'usager, disons, avancé, là, expert, qui développe des nouvelles applications à partir de fonctionnalités qui n'existaient pas, ça aussi, ça va permettre aux entreprises d'aller plus loin. Et même, en fait, pour aller encore un peu plus loin, il va falloir trouver des manières de rentabiliser au maximum notre information, donc ce qu'on appelle dans le jargon informatique le big data, parce que les quantités astronomiques d'informations dans les entreprises qui sont tout simplement pas utilisées, Forrester de leur côté estime que 5% des données sont exploitées pour prendre des décisions en entreprise et les 95% qui restent coûtent trop cher à analyser, il n'y a pas de puissance de calcul suffisante et donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus une offre de calcul haute performance, d'analyse prédictive en temps réel qui risque d'émerger pour pouvoir justement accompagner les entreprises et développer donc des applications qui vont rentabiliser toute l'information qu'on n'utilise absolument pas. Et parallèlement, dans ce contexte-là, ça veut dire aussi qu'il y aura des nouveaux outils de prise de décision qui devront être développés, vraiment axés sur le temps réel. En fait, ils appellent ça du décisionnel nouvelle génération, donc dans le marché de l'intelligence d'affaires. Donc, pour pouvoir rentabiliser cette information-là et l'utiliser, donc, comme je le disais, en temps réel pour la prise de décision. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Et deux autres aussi, en lien un peu avec cet axe-là, David, il y a ce qu'on appelle l'architecture in-memory. Donc, l'idée, en fait, que de plus en plus, pour maximiser le temps de résolution, d'action des logiciels, il va falloir qu'eux aient une mémoire intégrée. Donc, que ce ne soit pas seulement dépendant de la mémoire de l'ordinateur, mais que les logiciels puissent être complétés par une mémoire qui serait en eux-mêmes, que ce soit de la mémoire flash ou autre. Et ce qu'on dit, c'est que d'ici 2012, justement, le coût de ce type de mémoire-là va avoir baissé suffisamment pour que ça devienne rentable aux entreprises de l'intégrer. Alors ça risque d'être aussi assez intéressant donc pour bonifier l'efficacité des appareils. Parce que présentement, tu as mentionné d'ailleurs la semaine dernière là, avec tout ce qui était les données, disons, parce que les banques de données grossissent, on les utilise pas. Et est-ce qu'éventuellement, ça a été mentionné ça aussi, que ces données-là pourraient devenir un petit peu plus précises, en garder moins? Parce que, je veux dire, si on utilise seulement 5%, éventuellement, on pourrait décider de filtrer aussi davantage ou simplement se dire, OK, ça, je pourrais laisser ça de côté. Il y a des aspects, j'imagine, des éléments qui deviennent inutiles à un certain point, surtout que là, là, on commence à être très avancé, on est capable d'avoir des points très précis. Tout ce qui est superficiel, superflu, on pourrait carrément l'éliminer. Là. Mais en fait, selon Gartner et Forrester, l'axe qu'on va préconiser dans la prochaine année, à tout le moins, ça va être de réduire la consommation énergétique des serveurs, donc d'essayer de développer des serveurs de basse consommation essentiellement. Et déjà, il y a des apparitions qui se font à ce titre-là, que ce soit l'Atom d'Intel, que ce soit les puces ARM 64 bits. Donc, il y a des processeurs basse consommation qui font leur apparition dans les centres de serveurs informatiques. Et tout ça avec un objectif quand même assez simple, qui est de proposer une dissipation thermique 30 fois inférieure aux processeurs traditionnels, donc pour diminuer la nécessité de climatisation et le reste. Parce que c'est présentement, on en parlait la semaine dernière, comme tu le disais, ce qui fait exploser le coût d'exploitation des data centers. Et enfin, peut-être le dernier élément qu'on pourrait retenir, en lien un peu avec ça d'ailleurs, c'est le modèle du cloud computing. Donc l'idée de trouver des manières, donc que ce soit par le cloud ou par d'autres aussi, par ailleurs, de stocker l'information hors de l'entreprise. Donc d'avoir des data warehouse, comme on pourrait dire, qui pourraient donc stocker l'information hétérogène d'un côté et de l'autre, bonifier donc l'offre cloud qui tend à arriver, selon les analyses, à un premier niveau de maturité, donc pour essayer de virtualiser un peu le poste de travail à l'intérieur de l'entreprise et permettre aussi plus facilement le développement, par exemple, du télétravail. Excellent. Bien, merci beaucoup, Raymond. Et puis, donc, ces documents-là sont disponibles, j'imagine, sur les sites Internet des deux firmes? Oui, exactement, sur le site de Forrester, sur le site de Gartner. Et si vous n'avez pas envie de trop chercher, allez voir dans la section Revue de presse sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca, et vous devriez les retrouver là, en farfouillant dans les semaines du 7 et du 14 novembre. Excellent. Bien, merci beaucoup, Raymond. Merci de ta participation à l'émission, puisque la semaine prochaine, vendredi matin, possiblement qu'il n'y aura pas d'émission, donc je te remercie tout de suite. S'il y en a une, bien, tant mieux, puisque je serai peut-être à la Coupe Vanier, donc à Vancouver. Donc, mon Dieu, c'est un sacré empêchement. Mais bon, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis merci d'avoir répondu favorablement à mon offre. Et c'est un plaisir également de faire de la radio avec toi, David. Exactement. Mais merci beaucoup. Et puis, écoute, un de ces jours,